dans le sable on imprime les châteaux en ruine, comme nos âmes, comme nos âmes. On s'aime ou l'on s'abîme, mais nos actes dessinent sur nos âmes, sur nos âmes. Et si l'âme est chère à l'homme, souvent l'homme chérit la lame, là où l'homme a mis la lame. L'âme a mis les voiles. Il s'appelait Maxime, Jessica, Martine, pauvres âmes, pauvres âmes. Est-ce le monde qui plie ou le vieux qui fatigue de nos âmes, de nos âmes? Et si l'âme est chère à l'homme, souvent l'homme chérit la lame, là où l'homme a mis la lame. L'âme a mis les voiles. Pourquoi dame, pourquoi fane, l'homme et l'âme, l'homme et l'âme, pourquoi diable?